François Rouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'études développement du loisir pêche pour la Fédération Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et donc, on vous retrouve tout cet été pour nous parler de la pêche, bien entendu. On vous a déjà découvert une première fois pour nous faire redécouvrir notamment une technique, la technique de la brouillée. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu réglementation. Hein. Il faut quand même savoir qu'il faut avoir une carte de pêche pour y aller. Tout à fait. La pratique de la pêche, elle est réglementée par le code de l'environnement. Et en premier lieu, effectivement, pour pêcher, il faut avoir une carte de pêche. Alors une carte de pêche, qu'est-ce que c'est? C'est pas qu'une cotisation comme ça. C'est surtout la carte de membre d'une association, une AAPPMA. Alors AAPPMA, ça veut dire quoi? Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. On fait les deux choses. Et les cartes de pêche, il en existe différents types. Il y a des cartes à l'année pour les adultes. Donc une carte à 96 €, c'est la carte qui permet le plus de droits de pêche dans les autres départements, un petit peu partout en France, sur les associations qui sont ce qu'on appelle en réciprocité. On a une carte personne majeure à 75 €, qui est valable donc à partir de la date d'achat jusqu'au 31 décembre. On a une carte promotionnelle pour les femmes. La Fédé nationale s'est rendu compte que c'était une pratique qui n'était pas beaucoup... Pas très féminine, et du coup, on aimerait bien avoir un petit peu plus de filles à la pêche. Et du coup, ça coûte 33 € à l'année pour ces dames. Et il y a des cartes pour les jeunes aussi. Donc 12-18 ans à 18 € à l'année, et moins de 6 ans à 6 €. Donc ça reste très accessible, en sachant que pour la découverte aussi, on a des cartes hebdomadaire, donc à 32 €, valable 7 jours consécutifs, ce qui est bien pour les vacances, quand on veut s'y mettre sur son lieu de vacances, éventuellement. Par exemple, ouais. Par exemple, et des cartes à la journée. Voilà, si vous accompagnez un pêcheur, vous pouvez prendre une carte à la journée à 12 € et pêcher toute la journée, alors où vous voulez. Presque. Où vous pouvez. Voilà, c'est là. Ça. Voilà, alors ça, il y a donc ces accords de réciprocité. En fait, en gros, quand vous prenez une carte de pêche, vous avez le droit de pêcher partout en France à une ligne sur tout ce qui est classé domaine public, donc il faut se renseigner. Et vous avez le droit de pêcher sur les parcours de pêche qui sont gérés par l'association à laquelle vous adhérez et les associations qui sont en réciprocité avec elles. Alors donc, comment savoir où on peut pêcher? Il y a des cartes qui existent? Il y a plein de cartographies interactives sur Google qu'on a fait à la Fédé. Donc je vous invite à regarder sur le site www.pêche-54.fr et vous aurez tous les renseignements par rapport aux cartes de pêche et aux droits de pêche. Pour acheter sa carte, on a deux solutions. Soit on va chez un dépositaire, c'est-à-dire que c'est un réseau de 73 structures en Meurthe-et-Moselle qui délivrent des cartes de pêche, donc en tout premier lieu les magasins de pêche, mais aussi les supermarchés, des bureaux de tabac, des offices du tourisme, des restaurants, campings, boulangeries. On a 73 structures, encore une fois sur le site pêche-54.fr, il y a une carte de ces structures-là. Et encore plus simple, de chez soi directement sur le site www.cartedepêche.fr. Attaché, c'est un site national qui délivre toutes les cartes de pêche de France. On paye en ligne, on imprime sa carte, on prend sa canne, sa voiture, et c'est et tout on y simple. Va. Et c'est tout simple. C'est tout simple. Donc pour retrouver toutes ces infos, on fait comment? On va sur le site de la fédération. Voilà, on va sur le site de la fédération, www.pêche-54.fr. J'ajouterai juste quelques petits éléments de réglementation. Bien sûr. Les rivières sont divisées en catégories et en domaines privés et publics. Alors c'est un petit peu complexe encore une fois. Et la moindre question, je vais donner aussi le numéro de la Fédé. On est là vraiment pour répondre aux gens avec plaisir. Donc c'est au 03 83 56 27 44 et on leur répond. Voilà. Il y a des tailles légales de capture pour les poissons aussi. Un brochet, on ne peut pas le conserver en deçà de 50 cm. Donc s'il fait moins de 50 cm, on est obligé de le remettre dans l'eau. Le cendre, c'est 40 cm. La truite, 23 cm. Il y a des périodes de fermeture, notamment en deuxième catégorie. Les deuxièmes catégories, c'est les rivières à brochet, à carpe, la Meurthe, la Moselle, les canaux. La pêche au brochet, justement, est fermé du dernier dimanche de janvier jusqu'au 1er mai. C'est pour lui permettre de se reproduire. On fera un petit zoom dans une chronique suivante sur, justement, cette espèce intéressante qu'est le brochet. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci. Pour plus d'informations, téléphonez au 03 83 56 27 44 ou sur le site www.pêche-54.fr.